Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marchez! Ah! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio d'Unaïdé, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver ici sur RIG, www.rigbfm.fr. Appelez tout le monde, puis aussi on se retrouve sur le Facebook pour pouvoir parler tout au long de cette émission. Ce soir, je vous présente un album qui fête depuis le 4 octobre ses 25 ans, c'est l'album Rough Town que nous allons développer aujourd'hui dans cette émission Johnny 2 à Z. Mais juste avant de parler de cet album Rough Town, parlons un peu de l'actualité florissante sur Johnny Hallyday et avec aussi Universal, la maison de disques historique de l'idole. Tout d'abord sur l'hommage à Johnny Hallyday à l'Olympia le 1er décembre. Ce n'est pas un mais deux shows dédiés à Johnny qui auront lieu le 1er décembre à Paris sous le titre Un soir à l'Olympia. L'événement s'appelle Un soir à l'Olympia, mais c'est en fait une journée entière qui sera dédiée à Johnny Hallyday le 1er décembre prochain, presque deux ans jour pour jour après sa disparition. Ce dimanche-là, à midi et à 20h, la salle du boulevard des Capucines accueillera deux séances de cet hommage co-organisé par Laetitia Hallyday, l'Olympia et Universal, qui fut la maison de disques de Johnny Hallyday de 1961 à 2005. Les billets seront mis en vente sur le site internet de l'Olympia ce mercredi, aujourd'hui donc, c'était le 9 octobre à partir de 13h, avec des tarifs démarrant à 30€ et se terminant à 100€. Alors sur le site, si on va sur le site, il y a marqué 30€ mais visibilité limitée. Et après, à 100€, c'est pour le quartier VIP. Un soir à l'Olympia ne prendra pas la forme d'un concert avec des musiciens ou des invités, mais une projection de film sur le taulier à l'Olympia. Le show durera 1h30. Il n'y aura pas de présentateur. Ce sera Johnny, le maître de cérémonie, à travers des performances inédites et des interviews expliquant sa relation unique avec cette salle où il a joué pas moins de 266 fois. La première, le 1er septembre 1961, et la dernière, le 9 décembre 2006. Afin qu'ils aient la sensation d'assister à un concert de Johnny, les spectateurs bénéficieront d'une expérience sonore en Dolby Atmos et d'un show lumière sur mesure alors que les titres live seront mixés en direct. Comme dans un vrai concert, pour poursuivre cette expérience immersive, l'Olympia ouvrira exceptionnellement les portes de sa mythique salle du billard où les fans pourront trouver des objets dédiés à l'événement, dont deux coffrets collector à l'aider Olympia Story en tirage limité. Et c'est aujourd'hui aussi, ce mercredi 9 septembre, que nous connaissons le contenu de ces deux coffrets qui sortiront donc le 2 décembre. Le premier est un coffret contenant 18 CD et 2 DVD limités à 1500 exemplaires. En résumé, un CD de 1961, 4 CD de 1962, 2 CD de 64, un CD de 65, un CD de 66, 3 CD de 1967. Donc on va nous ressortir des titres, des concerts qui sont sortis récemment, comme le fameux Johnny 67 à l'Olympia qui était sorti au mois d'avril. Un concert de 1972, le concert spécial Lika, mais il sera incomplet. Le CD de 1973 et trois CD de l'an 2000, dont un CD avec les duos de l'Olympia 2000. Mais ce CD ne sera pas complet non plus, il n'y aura pas tous les duos. À noter qu'il y aura quand même le titre Quelques cris en bonus que Johnny avait chanté lors de quelques sessions à l'Olympia. Voilà ce qu'on peut dire sur le premier coffret et sur le second coffret qui est limité à 1000 exemplaires. Il contiendra ce coffret 7 double vinyles. En résumé, tous les Musicorama de Europe 1, 1961, 62, 65, 66, 73 en vinyle, et le Lika de 72 et les duos de l'Olympia de l'an 2000. Voilà ce qu'on peut dire sur ces coffrets, et ça fait beaucoup de tohu-bohu sur Facebook. Oui, oui, le coffret vinyle il sera vendu à 150 €, et le coffret avec les 18 CD et 2 DVD sera vendu à 176 €. Voilà encore de quoi casser sa tirelire, même si on a encore beaucoup, si on a pratiquement tous les CD qui vont développer dans ces coffrets-là. C'est une autre histoire, on en reparlera un peu plus tard, quand Jean-François Chenu viendra dans cette émission pour le 23 octobre. Et si on parlait donc de cet album Rough Town, qui est l'album de la semaine. Rough Town, qui est sorti le 4 octobre 1994. Johnny disait, après la tournée qui a suivi le Parc des Princes, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'avais planifié un tour du monde en bateau afin de me refaire une santé. Seulement, je suis tombé sur Kim Kimsey, qui a su se montrer persuasif, et au lieu de naviguer, j'ai enregistré Rough Town. Le moins qu'on puisse dire est que l'équipe Rough Town, le disque et la mini-tournée de promotion qui accompagne sa parution, marquent une nette rupture avec la ligne que s'était fixée Johnny Hallyday les années précédentes. En fait, cette séquence de 4 ans, 1993-1996, est sans doute la plus riche en surprises de toute la carrière de l'artiste. Le moment Parc des Princes de 93 fait entièrement dans le grandiose. 3 concerts gigantesques en plein Paris, 3 heures de show, une entrée en scène qu'on pouvait plutôt appeler une irruption en foule. Le parc qui a illuminé ce printemps culmine à l'automne par la sortie du spectacle gravé sur CD, succédant lui-même à la fameuse intégrale guitare de 40 galettes qui a marqué les esprits. Les sessions de l'album Rough Town, reçues comme un événement, ont eu lieu entre le 13 mars et le 14 mai 1994 au studio Ocean Way de Los Angeles, puis au Metropolis de Londres. En plus de 30 ans de carrière, le rocker français n'avait jamais enregistré un album d'originaux en langue anglaise destiné au marché international. Son expérience en anglais se résumait aux Sings America Rockin' Hits de 1962 et aux En VO de 84 et quelques adaptations de ses succès. Réalisé par Chris Kimsey, dont c'est le 6e album pour le compte de Johnny, et composé de 12 titres arrangés par Steve Allroyd, Rough Town est une œuvre ambitieuse et soignée que la puissance vocale du chanteur met en valeur. Pour cette aventure, Johnny s'est entouré de musiciens prestigieux tels que Richard Howard, batteur d'Eric Clapton, Chuck Leavell, organiste des Rolling Stones, et Robin Lemesurier, guitariste Rod Stewart, lequel signe 2 titres, Fool for the Blues et Are the Chances Gone. Et c'est justement ce titre, Fool for the Blues, écrit par Robin Lemesurier, qui ouvre le bal de cette émission anniversaire Rough Town. All these pain we have inside of us.

jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'album de la semaine est Rough Town, sorti le 4 octobre 1994. Outre deux emprunts, I Wanna Make Love to You, créé en 1986 par Eric Clapton et repris l'année suivante par le groupe Dr. Feelgood, et Can't Stop Wanting You de l'Irlandais Paul Brady, le reste de la production, dont l'influence oscille entre le rock et le blues, beaucoup plus boogie blues que rock FM, ne compte que des créations. Love Affair, duo avec la chanteuse américaine de country Cathy Mattea, Hurricane de Steve Diamond et Jeff Paris, Lightning de Simon Carman et de Richard Bailey, Dry Spell de Daryl Burgess et du soliste Colin James qu'on retrouvera lors des Bercy en 1995, Your Mind de Kevin Dukes et de Paul Rafferty, It's a Long Way Home de Frankie Miller qui reprendra le titre en 2006 sur son album quasi homonyme Long Way Home qu'on écoutera en cours de soirée, sa version oui, et la chanson titre de Rough Town composée par Bryan Adams. Trois titres enregistrés lors de ces sessions ne seront pas retenus pour l'album Crazy Over You sera édité en janvier 95 par le Snap sur un CD de compilation à l'occasion de la fête de la musique, puis ajouté en 2000 à la réédition CD de l'album. Blue Moon Rising figurera en titre de complément du second single publié le 1er mars 95 et One Moment in Your Life attendra la sortie de la collection officielle en 2012. On écoute Johnny Hallyday en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et bien sûr, on parle de l'album Rough Town, mais aussi on parle du concert de la Cigale. Le concert de la Cigale qui était en 1994. Oui, oui, oui, oui. Ça siffle de toutes parts. Johnny a chanté du 28 octobre au 1er novembre. Vous écoutez Érigé, ce soir en fait, les 25 ans de l'album Rough Town. Et évidemment, on fête aussi l'anniversaire de ce concert, hein, du concert de la Cigale. We'll be right back. Johnny et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Je sais où je vais mourir, au fond d'une rue au mur mouillé, à l'hôtel des cœurs brisés. Et je serai si seul, mon bébé, oh je serai si seul, oh je serai si seul à en mourir. Oui, des larmes du grand coule sans cesse, le portier tout en noir, car ils sont restés dans la détresse, on ne pourra plus jamais les revoir. Et ils se sentent si seuls, oui, ils se sentent si seuls, oh, ils se sentent si seuls, ils pourraient mourir. Ouais, l'hôtel est toujours complet, et je sais qu'il y a une place pour ceux qui ont le cœur brisé par un amour déchiré. Et ils se sentent si seuls, mon vieux, ils se sentent si seuls, ils se sentent si seuls à en mourir. Mais si ton amour va partir, tu choisis de mourir, va dans la rue au mur mouillé, à l'hôtel des cœurs brisés, où tu seras si seul, mon vieux, où tu seras si seul. Johnny en 74, sur l'album Rock and Slow. L'album Rough Town est à l'honneur ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Et c'est la chanson I Wanna Make Love to You, composée par le pianiste texan Jerry Lynn Williams, qui est choisi pour véhiculer l'album en radio. Vêtu d'une redingote romantique sur jeans et gilet de cuir, Johnny tourne le vidéoclip mis en scène par Nigel Dick, déjà réalisateur du clip Love is Strong des Rolling Stones, dans un quartier ouvrier de Paris le 16 septembre. Et le single I Want My Love To You sortira le 21 septembre. Tell me Nous arrivons à la première version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Et là, c'est pas adapté, c'est ni moins repris par Johnny Hallyday. C'est ce titre-là qu'on vient d'écouter, I Wanna Make Love to You. En 1986, Eric Clapton crée cette chanson, finalement écartée de August, mais repêchée comme complément à l'album Behind the Mask et incluse dans le coffret Crossroads en 1988. Le groupe anglais de pub rock Dr. Feelgood opta à son tour pour ce morceau publié sur Classic en septembre 1987. Et c'est le morceau, c'est la version de Eric Clapton que nous allons écouter tout de suite en comparatif. Ouais, en comparatif. Vous écoutez Érigé et la radio, qui est la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. I wanna make love to you. de retrouver la rubrique avec Antoine de Connor parlant d'une chanson de Johnny Hallyday. Évidemment, la chanson, hein, c'est sur le thème du blues, bien entendu. Voici l'Odyssée de Johnny. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Bonjour, c'est Antoine de Caunes. Au milieu des années 80, je suis pas mal placé pour vous en causer. Les Enfants du Rock étaient la meilleure émission de rock à la télé, diffusée sur Antenne 2 sous la responsabilité de Pierre Lescure. Le générique allait comme ça. Les fous de rock français ont tous en eux quelque chose de Johnny. Et oui, ça peut faire mal, y compris certains excités, notamment ceux qui font les Enfants du Rock, et plus particulièrement un certain de Caunes Antoine, et oui, celui-là même qui vous cause en ce moment dans vos oreilles. Cette année-là, j'entreprends avec le formidable Don Kent à la réalisation de filmer Johnny à la Juive. Projet est double. D'une part, Johnny a enregistré là-bas son nouveau disque. D'autre part, je l'aide à rencontrer un certain nombre de vedettes américaines avec lesquelles il va chanter en duo. Au fait, l'album que Johnny vient de terminer à Nashville s'intitule « Drôle de métier » et comporte des nouveautés comme « Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs ». Et chercher des coups en barman, j'ai peur de tout si je te perds. Joint à ce nouvel album en studio, dans un coffret en édition limitée, on trouve un second disque baptisé Nashville en direct, spécial Enfant du Rock. Et j'en suis pas peu fier vu qu'il immortalise les rencontres historiques effectuées devant les caméras d'Antenne 2 entre Johnny et Carl Perkins, Johnny et les Stray Cats, Johnny et Emilio Harris, sans oublier Johnny et Tony Joe White. They leave the girls, and I swear to the world, man, the alligators look tame. Pork salad, honey. Pork salad, honey. And everybody said it was a shame. D'être à Nashville inspire à Johnny une idée de reprise astucieuse. Il adore la chanson Nashville Blues que les Everly Brothers chantaient sur leur album It's Everly Time en 1960. Depuis toujours ce duo de frangins aux merveilleuses harmonies, les Everly Brothers. Il leur avait déjà emprunté le petit clown de ton cœur à ses débuts en 1960. À Nashville, en 84, Johnny chante deux versions de Nashville Blues. Une tout seul, une autre en duo face à l'un des deux créateurs de la chanson, Don Everly. Je veux t'emmener à Nashville, là où je ne suis. Real blue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. En écoutant cette rubrique, oui, ça me donne envie de réécouter cet album-là, hein, du moins ce petit coffret de deux albums, Hallyday 84. Et vous me suggérez sur Facebook de la faire, pourquoi pas faire une nuit érigée spéciale Hallyday comme a pu faire Canal+, spécial Johnny. Ouais, ouais. Il y en a qui trouvent que c'est une très bonne idée. Oui, je sais, j'ai le choix de la date. Oui, tout à fait. On verra ça, soit pour la 400e émission, soit pour les 20 ans de l'émission Johnny de A à Z. Mais revenons à nos moutons et parlons de l'album Rough Town qui est sorti le 4 octobre 1994. Et nous fêtons les 25 ans de cet album-là. Pour la promotion, la compagnie de disques m'a demandé de faire des showcases. Non, pas moi, hein, c'est Johnny qui dit ça. Comme cela m'ennuyait, j'ai proposé de me produire dans des petits théâtres, mais devant un public, déclare Johnny. L'occasion est trop belle, en effet, d'aller expérimenter ce répertoire inédit lors d'une courte tournée inhabituelle, puisqu'elle conduit la star dans des salles intimistes à travers l'Europe. Fallait oser rechercher la proximité avec un nouveau public quand il aurait pu ratisser tranquillement en paire peinard du showbiz, son fidèle hexagone. Mais le mot tranquille n'est pas dans son vocabulaire, applaudit Philippe Bourbillon, journaliste à Libération. Cette intimité ravit ses admirateurs français, heureux de le toucher des yeux et du cœur lors de ses 5 représentations exceptionnelles sur la scène parisienne de la Cigale, près du quartier de son enfance et de la clinique qu'il a vu naître. Les 7000 places sont vendues en moins de 3 heures de temps à l'ouverture de la billetterie et qu'il faut aussi rajouter in extremis la date du 1er novembre. Pour cette aventure, le rocker a fait appel à la crème des musiciens anglo-saxons qui ont entre autres tourné pour Dylan, Clapton, Dire Straits et occuperont la scène avec lui jusqu'en 1996. Phil Sosson à la basse, Phil Palmer à la guitare, Ian Wallace, le regretté Ian Wallace à la batterie, Tim Moore et James Optimus Prime au clavier et Ian Wilson, percussionniste, harmoniciste et guitariste. Enfin, le guitariste Robin Lemusurier, signman de Rod Stewart, qui va également s'imposer comme le soliste indispensable du rocker français et le directeur musical de ses futurs shows. On peut le rajouter, hein, et puis vous le savez déjà, que Robin Lemusurier est resté avec Johnny jusqu'à la fin, jusqu'en 2017. On va écouter en extrait, un autre extrait de La Cigale, justement, hein, pour illustrer ce que je viens de dire, avec Rough Town, justement. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. J'espère que vous passez une agréable soirée avec Johnny Hallyday et on célèbre donc les 25 ans de l'album Rough Town. A night in the city streets. Put his eyes on you, but it will quickly down the avenue. Somewhere somebody's baby cries. A new heart beats as another one dies. Get it easy when you leave it alone. If you don't get what you want, you might get what you deserve. Through the thick day, morning sky turns yellow and gray. From an upstairs window, there's a woman scream. A nightmare vision from such a cage dream. An angry fist bidding an old steel door. Tell me why you're here, who you're looking for. It ain't easy, but it ain't for long. This place is crazy, tell me why I've been so long. Come on. Rough Turner à la cigale. Robin Mesurier disait sur Johnny, je connaissais le chanteur de réputation depuis mes débuts en Angleterre, mais je ne l'avais jamais rencontré. Quand on s'est vu la première fois à Los Angeles, il s'est passé un truc étrange. C'était comme si on s'était toujours fréquenté. Le déclic s'est fait dans la seconde. Un super feeling, vraiment. C'est une icône, un trésor national que vous avez. Il n'y a eu personne comme lui avant et il n'y aura personne après. Il est incroyable. Tous les soirs, sa voix m'étonne. La première fois que je l'ai entendu en studio, ça m'a littéralement mis sur le cul. Vous savez, j'ai enregistré mon premier disque à 16 ans à Abbey Road avec Keith Relf des Yardbirds. J'ai accompagné ensuite un tas de chanteurs et de chanteuses célèbres. Mais pour moi, Rod Stewart et Johnny restent de loin les plus grands. Et pour illustrer ça, on va écouter le deuxième titre qu'a composé Robin de Miserier pour Johnny. Extrait donc de l'album Rough Town, voici Are the Chances Gone. Tonight.

En avril 1994, Florent Pagny publie un nouvel album, Restez Vrai, sur lequel figure un duo avec Johnny Hallyday, Jamais. Chanson inédite composée par l'équipe habituelle de Jean-Jacques Goldman, Gidals Arzel et le groupe Canada que Johnny retrouvera en 95 pour l'enregistrement de l'album Lorada, hein, comme on vient de l'écouter à l'instant. Et le 4 juin 1994, Johnny donne un concert à l'hippodrome de Carpentras lors d'un rassemblement de bikers du 3 au 5 juin. Ça, c'est le rassemblement, hein. Voilà. Mais pour illustrer mes propos, voici le duo Johnny Hallyday et Florent Pagny, Jamais. J'ai appris à vivre dans une prison en or qui m'a fait oublier la lumière du dehors. Je suis tellement de gens à la fois, je peux même te laisser le choix. J'ai eu tant d'amis qui me voulaient du bien, je cherchais une fille. Johnny et les années 70. On entend la musique. je viens pour rien. Je veux essayer tout pour arriver demain. Il me reste de l'espoir qu'il ne soit pas déjà trop tard. Il me reste de l'espoir qu'il ne soit pas déjà trop tard. Got You On My Mind, chanson qui a été chantée par Jerry Lewis. Et oui, ça date de 1976, mais ça c'est la version française qu'on a écoutée, hein, Quand Je Reviendrai, extrait de l'album La Terre Promise. Mais ce soir, nous fêtons les 25 ans de l'album Rough Town, qui est sorti le 4 octobre 1994. Et de cet album, deux autres clips vidéo seront tournés en mars 1995, à quelques jours d'intervalle. Le premier illustrant Love Affair, le duo avec Cathy Mattea, et réalisé par Dan Jacobs aux États-Unis, près de Nashville, dans une ambiance road movie. Et le second se tourne à El Paso, au Nouveau-Mexique, sous la direction de David et Raphaël Vidal-Durand, pour illustrer Can't Stop Wanting You, prévu pour un single destiné au marché britannique, mais en fin de compte, qui n'a jamais vu le jour comme tant d'autres projets. Voici le titre pour illustrer mes propos, Love Affair. Johnny Hallyday et Cathy Mattea. Et voilà. Et j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes à l'écoute de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Well, the water runs through the river, and the river runs through the sea. And I come running to you, babe. You come running to me. But it gets kinda hard sometimes. So hard sometimes. Honey, if you're not there, if you're not there, I want a sweet love to share. Why don't we have a love affair? Why don't we have a love affair? Softly you were speaking, whispering your words. Your head laid on my shoulder. Everything you said I heard. But it gets kinda hard. Yeah. On parle à Bob Rafter, mais également du concert de La Cigale du 28 octobre au 1er novembre. Le tour de chant reprend la quasi-totalité de l'album, 10 chansons, quelques intermèdes en français, quelque chose de Tennessee ou Carole, et au final, la musique que j'aime que Johnny chante comme Love Affair avec Tania Saint-Val, l'une des plus belles représentantes de la musique antillaise, l'incontournable Walla Shaking Going On et surprise Hey Joe pour la première fois chantée en version originale en duo avec Ian Wilson. On y ajoute le démentiel Gimme Some Lovin'. C'est un coup de génie d'avoir pensé à ce somptueux classique des mid-60s qui apporta via la plume et la dextérité de Stevie Winwood un hit mondial au Spencer Davis Group en 1966. On voit très bien comment un tel morceau a pu se retrouver là. On est en répétition, on se chauffe sur un standard que tout le monde connaît et le résultat est tellement diabolique qu'on décide de mettre ça sur scène autant pour le pied que pour le plaisir du public. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Mais bien sûr que je vous diffuse Gimme Some Lovin'. On retrouve Johnny à La Cigale. Et évidemment tous les mercredis aussi, hein, de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG. Give me some love. Give me some love. Give me some love. Give me some love. question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Sur le bar, pour que chacun s'approche, une bouteille de Ricard. L'étranger dans la ville, il s'est fait des amis. On danse dans la ville toute la nuit. L'étranger dans la ville. Maintenant, on va essayer de continuer, un peu de musique. Un peu de musique, un peu de blues, tout ça pour continuer cette émission spéciale anniversaire de l'album Rough Town qui fête ses 25 ans. Il est sorti le 4 octobre 1994. J'y ai pensé, Universal, non, il n'y a pas pensé du tout, non, non. Voici tomber, c'est facile. Hey, baby, dans tes amours, ne prends-tu jamais le temps en chemin? De penser que tu vas trop loin. Arrête-toi et regarde un peu. Tu verras combien sont malheureux. Ça t'est bien égal, tu ne fais que ce que tu veux. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber, c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Et tomber, c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi, rien ne te fait peur, mais on apprend par ses erreurs. Pour combien tu perds la mémoire et tout va très bien. L'amour comme un refrain te prend. Crois pas tout ce que tu entends, car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Oui, tomber, c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Tomber, c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Ouais. Toi, tu veux de tout, tu te traînes dans la boue. Tu ne vis que pour la chair et c'est tout. Et si quelqu'un peut te garder, toi, tu ne fais que passer. L'abandonnant tout comme un chien, et sûr de toi, tu reviens. lorsqu'on s'aime en poussant les bras. Et comment peux-tu vivre avec ça? Et on reste facile lorsqu'on s'aime en poussant les bras. Rock, c'est le programme que je vous propose ce soir dans cette spéciale émission Rough Town qui fête ses 25 ans ce mois-ci. Et je vous propose un autre titre extrait de cet album-là, c'est Lightning, un blues lent où on retrouve l'harmoniciste Lester Butler qui est mise en valeur.

Voici une autre version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Quoique, It's a Long Way Home, c'est le titre que nous allons écouter de Frankie Miller, qui reprendra le titre en 2006. C'est son album quasi homonyme, Long Way Home. Et oui, évidemment, c'est Frankie Miller qui a fait cette chanson, qui a composé cette chanson pour Johnny, mais lui, il l'a repris 8 ans plus tard. Voilà. 8 ans plus tard, on va écouter quand même sa version. It's a Long Way Home, Frankie Miller sur RIG. The night is closing down on every street in town, and I look for your face as I leave every place. Wish you were still around. Long Way Home. Et sur la version de Johnny, Colin James apporte une touche particulière avec quelques interventions de mandoline. Allez, et si on parlait encore du concert de la Cigale et de la tournée européenne de 10 jours qui s'ensuit du 4 au 14 novembre 94, cette tournée ne remporte pas le succès escompté, savoir qu'elle n'attire pas la population locale mais un public majoritairement français, ce qui désole le chanteur. Et le documentariste Claude Ventura le suit caméra au point afin de réaliser un road movie pour Arte. Il capte certains moments de solitude et de mal-être en dépit de l'escorte permanente dont le chanteur bénéficie. Et que Zoé Lynn commente, Johnny n'en est que plus touchant. C'est vrai que ce documentaire All Access fait pour Arte est excellent. Il est excellent à revoir et à revoir. Et sa conquête européenne, Johnny n'a rien de bien facile. Mais Johnny est un battant et qui joue devant des milliers de personnes ou une poignée comme en Allemagne. Il se donne avec la même intensité, la même chaleur. Un grand artiste, perfectionniste, angoissé, solitaire et pourtant amical avec ses compagnons de route. Il ne sort de lui-même qu'une fois sur scène toute sa vie. Et là, ajoute Philippe Bourbillon, toujours journaliste, à Libération. Et pour illustrer ça, on va écouter un autre titre de l'album Rough Town qui fête ses 25 ans, hein, et ce sera en live à La Cigale avec le titre Before You Change Your Mind. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et bien sûr, vous écoutez l'émission Johnny de A à Z sur RIG tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. On enchaîne avec un blues de 8 minutes, extrait de l'album Rough Town, sorti le 4 octobre 1994. Voici Dry Spell.

Toi qui t'en vas, extrait l'album Johnny Chante à l'idée en 1965. On revient à l'album de la semaine qui est Rough Tan, sorti le 4 octobre 1994. Et bien que cet album ne soit pas considéré comme un gros succès dans la discographie du rocker, les fans de Johnny le préfèrent quand il chante en français. Quoique maintenant, avec le temps, ça fait un peu comme Hamlet. Cet album a pris, s'est bonifié avec le temps et c'est un des albums préférés des fans de Johnny Hallyday. Cet album Rough Tan donc est certifié or par le SNEP le 21 décembre. Au final, il sera double or avec 200 000 exemplaires vendus. Le 31 janvier 1995, lors du 29e Midem de Cannes, Johnny reçoit les insignes d'officier des arts et des lettres des mains du ministre de la Culture Jacques Toubon, ainsi que la médaille d'or de la ville remise par le maire Michel Mouillot. Le rocker donne ensuite un concert au Palm Beach où il se livre notamment à un duo avec Ian Wilson sur Hey Joe. Et le nouveau PDG de sa maison de disques, Pascal Nègre, lui offre une Harley Davidson baptisée Laura's Eyes, spécialement conçue et réalisée par Yves Blanco de la société canoise Too Much Concept, en récompense de 80 millions de disques vendus, dont 25 millions d'albums. Voici un autre titre de l'album de la semaine, Rough Tan, Your Mine, sur RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Bring her down. The lover she's seeing decides he's leaving. Say, see you next time around. Back to C'était le dernier extrait d'album de la semaine, Rough Town, qui est sorti le 24 octobre 1994. Et si on fait le calcul, ben ouais, cet album-là fête ses 25 ans. Et oui, on le retrouve avec plaisir, on l'a retrouvé avec plaisir dans cette émission Johnny de A à Z spéciale Rough Town. Et le 26 octobre, Johnny fait pour la première fois son Taratata, l'émission réalisée par Gérard Pulicino et présentée par Nagui. En direct, accompagné de ses musiciens anglais, il chante dans une chaude ambiance à Wanna Make Love to You, Fool for the Blues, Can't Stop Wanting You et Love Affair en duo avec Tania Saint-Val. Florent Pagny lui donne la réplique sur Quelque chose de Tennessee. Et enfin, Johnny retrouve avec bonheur son ancien complice Mickey Jones, accompagné de son groupe Foreigner, pour une interprétation en anglais de Hey Joe. Et cette émission sera diffusée le 23 décembre sur France 2. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve justement ce duo. Ce duo, on va dire, oui, duo, groupe, chanteur, Foreigner et John Hayday. C'était lors du Taratata avec Hey Joe. Around. Merci d'achever cette émission spéciale album Rough Town qui fêtait ses 25 ans cette année. Je vous remercie encore toutes et tous. C'était un grand, grand plaisir de vous avoir présenté cette émission spéciale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'IDN. Grosse bise les filles, grosse pogne les gars. À bientôt. Ciao, ciao.